22-18, activation orale, le temps qui passe, se dépêcher, être en retard. Répondez selon l'exemple. Vous entendez. 1. Je suis en retard. Que vous dites ? Je me dépêche. Allez-y. 2. Mireille est en retard. Elle se dépêche. 3. Robert est en retard. Il se dépêche. 4. Nous sommes en retard. Nous nous dépêchons. 5. Robert et Mireille sont en retard. Ils se dépêchent. 6. Mireille et Marie-Laure sont en retard. Elle se dépêche.